Je circule sur une autoroute. Une bifurcation d'autoroute serait entre autres annoncée avec ce panneau. Une aire de repos serait, entre autres, annoncée par celui-ci. Ici, il s'agit d'une sortie d'autoroute. Le panneau comporte un symbole et le numéro de la sortie. Le panonceau 2000 mètres indique la distance qui me sépare de la sortie 29. Réponse B.